Nia. On produit 8 assistances, on m'a forcé dans mes cheveux, ma faiblesse dans les fins comme Sanson, Dalila. Tech dans la peau de Zeg Danila. Moi je manie la rime, ma vie le fil, ma facile. Voici la dream team texte, Boulogne c'est la ville à test. Rime en prix, demande à mon pote Avila. On reste des nuits entières en ville, sans fermer les yeux. À la recherche de nouveaux styles, on se laisse des nénés à nous. On produit 8 assistances, on m'a forcé dans mes cheveux, ma faiblesse dans les femmes comme Sanson et Dalila. Tech dans la peau de Zeg Danila. Moi je manie la rime, ma vie le fil, au rap facile. Voici la dream team texte, Boulogne c'est la ville à test. Rime en prix, demande à mon pote Avila. On reste des nuits entières en ville, sans fermer les yeux. À la recherche de nouveaux styles, on cesse l'année des vieux. 97, les poètes, les goupilles, les mouettes, chantent à expose comme au poète. Les groupies bêtes sans don, jettent autour du monde pour prêcher la bonne cause. Deux ans d'absence, putain, on a pris une crâne de pause. Plein de conscience, de bénédiction et de bon sens. Tout était calculé quand même sur le sillon, on science. On pense comme des plans de maîtres organisateurs. On est des belles choses, créateurs dansant, dosant les acteurs. L'acteur du film de la vie, c'est Zox, pas Max Teddy. T'as les nerfs, car mon crew est vif, comme Max Teddy. J'ai dit au monde on arrive, balancer les flashs, j'y scratch, c'est le cueil début du match. Partout autour du monde, y'a des airs de rap sur les zones. Y'a des frères travaillent dans l'ombre, y'a des l'esprit fait et fait ça du haut. Et partout autour du monde, y'a des airs de rap sur les zones. Y'a des frères travaillent dans l'ombre. Je t'indique la bonne voie, de bonne foi, en face bien dit. Mon créneau le rap, mon credo l'hip-hop. Maintenant mat, ma stature, doudoune en filler, par basse température. Tex et tex, j'ai ça, et plus encore. 97 b-boy qui peint les murs encore. J'balaye la surface, oups, le mic je check. Milite pour la forme d'art, bien avant l'échec. Ce soir c'est cool, l'en cool, que je couche et génie. Est-ce grâce à l'africaine que m'a refilé Johnny? Tu peux le croire, mais moi je dis que nenni. Toute mon histoire n'est que magique technique. Yo, mon pic est béni, je vois des choses qui rendent mon blanc de l'œil impur. Ça déteint sur le blanc de ma feuille par l'écriture. Pourtant quand je kick sur le beat, je rends fier mon possi à Fontenay ou mon cousin Lambert à Nîmes. Je lève toutes les mains en l'air par mes fortes rimes. Sur scène, micro tenant, on dirait un prof de gym. Le fut tombant, le torse bombant, tel un corse bombant. Je rock la place brillant des dents, mon possi mes dents. Da, je ne suis que flingue rhétorique. Au-dessus d'un bouche, des fesses et dents, style de beat. Yeah. Beat. Yeah. J'ai provoqué une mode, un rap particulier, un style comme Julie Bay, j'exporte mon business jusqu'en Chine. Et la musique que tu écoutes, tu sais, elle est universelle. Passe dans tes oreilles et te lance un appel. Y'a la misère au coin des rues, et tu l'as vu. Elle progresse chaque jour, saisit les hommes puis les tue. J'cause pour toutes les minorités, fais des disques qui te marquent, puis deviens l'enfant chéri de la majorité. Mais heureusement, dans le rap, y'a pas que ça. Y'a aussi cette air de fête qui te séduira. Si t'es positif, frère, tu peux donc nous rejoindre. On boira en ton honneur une liqueur d'absinthe. Et en plus de tout ça, on brille avec ce pur éclat. Diamants, joyaux, rubis ne font pas le poids. On revient au complet pour récupérer la rue. Telle une bourrasque, on nettoie toutes les avenues. Intelligent, rimeur, méticuleux comme John Doe. J'oriente la musique, la basse frappe, protège ton dos. J'trappe un micro, ramasse les fleurs au passage. Représente la rue, les poètes ainsi que les sages. Partout autour du monde, y'a des airs de rap sur les ondes. Y'a des frères travaillent dans l'ombre. Y'a des l'esprit fait et fait ça, tu comprends? Partout autour du monde, y'a des airs de rap sur les ondes.